Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien dans l'émission Keep Clap on Tourne. Et aujourd'hui, c'est Pierre Brasseur avec les enfants du paradis. Et à la technique, c'est... C'est Marcus. Bonjour Tanguy. Bonjour Marcus. Je vais commencer par sa biographie à Pierre Brasseur. Nom de naissance, Pierre-Albert Espinas. Il est né le 22 décembre 1905 à Paris. Il est décédé le 14 août 1972 en Italie, à 66 ans. Profession acteur, réalisateur. Biographie. Pierre-Albert Espinas, né à Paris, dans le 17e arrondissement, 14 rue d'Arcet. Il adopte par la suite le nom de naissance de sa mère, Germaine Nelly Brasseur, comme nom de scène. Âgé de 6 ans, il est témoin d'une des premières attaques de la bande à Bono et a pour ami d'enfance Jean Gabin. Après ses études, il échoue au concours d'entrée au conservatoire, puis suit des cours d'art dramatique dispensés par Harry Bor et Fernand Ledoux au conservatoire Maubel. Il est l'intime de Pablo Picasso, Jean Cocteau et Louis Aragon, qu'il introduit dans le groupe surréaliste où il fait la connaissance d'André Breton, Paul Éluard, et Raymond Queneau et Jacques Prévert. En 1924, il fait à la fois ses débuts au théâtre chez Luniepo, au Théâtre de l'Œuvre, et au cinéma avec Jean Renoir dans La Fille de l'eau. Il incarne d'abord principalement des personnages de gigolo, puis il rencontre Jacques Prévert qui lui donnera un tournant important dans sa carrière. Déjà renommé comme acteur de théâtre, il devient populaire auprès du grand public avec son interprétation dans le Quai des Brumes de Marcel Carnet. Cherche un coin forêt tranquille, là, je peux peut-être t'aider. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme les médecins, particulièrement les chirurgiens, ont les mains blanches et soignées. Cependant, elles pataugent dans le sang toute la sainte journée. Dis-nous, où est Maurice? Je suis sûr que c'est toi qui l'as buté. Buté, quelle façon de s'exprimer. Tu vas? Je sais pas. Alors on va du même côté. Toi, si j'ai un conseil à te donner, c'est de continuer à faire des ronds dans l'eau. Tu fais des bêtises et tu voudrais prendre de l'herbe, hein? C'est la seule chose que j'aime, Nelly. Tout le reste peut crever. T'as de beaux yeux, tu sais. Vous êtes de retour dans le musée qui clapon tourne et c'était un petit extrait du Quai des Brumes de Marcel Carnet. Et surtout avec son rôle de Frédéric Lemaître dans Les Enfants du Paradis. Il offre une superbe prestation de Lucien Maublanc, Le rejeté des grandes familles, d'après l'œuvre de Maurice Duron. Voici Noël Choudlet, commandeur de la Légion d'honneur, président directeur général des sucreries de Sonchel, président directeur général des mines de Zoa, président directeur général de la banque Choudlet et de la chaîne de journaux du même nom. Vice-président du Fonds monétaire international, où il vient de représenter la France. Accueilli à sa descente d'avion par le secrétaire d'État aux Finances, venu le saluer au nom du ministre, et lui apporter les condoléances du gouvernement. Voici Adèle Choudler, sa femme, née Adèle de Lamonnerie. On trouve déjà un Lamonnerie aux côtés de Saint-Louis à la bataille de la Mansoura. Depuis, la famille s'est illustrée à toutes les générations. Adèle Choudler est présidente de la Croix-Rouge française et chevalier de la Légion d'honneur. Voici François Choudler, leur fils, ancien élève de l'école polytechnique. Chevalier de la Légion d'honneur, Croix de guerre 39-45. Et sa femme, née Jacqueline de Magnac-Laval. Et voici Jean-Noël Choudler, le petit-fils. Il a tout trouvé dans son berceau, y compris la beauté. Sa nurse est anglaise. La voiture qui l'accompagne aussi. Voici le doyen de la famille, l'aîné des frères d'Adèle, Gérard, marquis de la Monnerie, ambassadeur de France, officier de la Légion d'honneur, Companion of Michael and George, chevalier de l'ordre de Léopold et chevalier du Saint-Sépulcre. Et son frère cadet, Robert de la Monnerie, général de brigade, commandeur de la Légion d'honneur. Il a fait depuis sa sortie de Saint-Cyr, il y a 40 ans, presque toutes les guerres de la France. On parle malheureusement de le mettre à la retraite. Cette jeune fille est Isabelle de la Monnerie, elle est orpheline, elle vit chez les Choudlers, c'est la nièce pauvre. Et maintenant, les cousins riches, les frères Leroy de la banque Leroy, courtier en valeur mobilière. Le professeur Émile Lartois, le médecin et l'ami de la famille, officier de la Légion d'honneur, membre de l'Académie de médecine, membre de l'Académie royale de Belgique, membre de l'Académie royale de Suède, pas encore membre, hélas, de l'Académie française. Simon Lachaume, bras droit de Noël Choudler, agrégé de l'université, ancien professeur d'anglais. Chacun sait que cela mène à tout. Lui aussi. Le cousin Maublanc, Lucien, dit Lulu, le fils d'une Lamonnerie et d'un certain monsieur Maublanc, qui lui a légué son éducation déplorable et son immense fortune. C'est la honte de la famille. Et maintenant, voici sa gloire, le grand poète catholique Jean de la Monnerie, grand officier de la Légion d'honneur, membre de l'Académie française, pieusement décédé le 15 mai 1958, muni des sacrements de l'Église et de la bénédiction de sa sainteté, le pape Pie XII. C'est lui dont on célèbre ce matin en l'église Saint-Honoré des Laux les funérailles officielles. Fallait-il qu'en ces heures où le crime et la violence submergent le monde, fallait-il qu'en ces heures où l'agneau doit renaître, fallait-il qu'un poète rendît son âme à Dieu? Ah, nouvelle funeste! Au-delà de ses proches affligés, de son pays meurtri, c'est la chrétienté tout entière qui demeure frappée de douloureuses stupeurs. Jean de la Monnerie. Vous êtes de retour dans l'émission qui clape en tourne, et c'était un extrait des Grandes Familles avec Pierre Brasseur. Dans un extraordinaire face-à-face avec Jean Gabin. Mais sa véritable passion est de jouer sur les planches, où il incarne le grand acteur anglais raconté par Alexandre Dumas, dans Les mains sales. L'Europe est en guerre. Nous sommes en Illyrie. Ce pays est occupé par les Allemands et le gouvernement collabore avec eux. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'Hugo sortait aujourd'hui? Ah, je suis au courant. Louis, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je voulais t'épargner ça, Olga. Mais maintenant, il est dangereux et nous devons nous en débarrasser. Il ne faut pas qu'il parle. Vous êtes bien pressé. Mais il en sait trop long. Il ne parlera pas. Et puis, il peut encore servir. Je me demande si tu le vois comme il est. Tu as toujours eu un faible pour lui. Et toi, un faible contre lui. C'était un petit anarchiste indiscipliné. Intellectuel. Bourgeois qui travaillait quand ça lui chantait, il laissait tomber le travail pour un oui ou pour un non. C'est aussi le type qui a 20 ans a descendu de Rer au milieu de ses gardes de corps et s'est arrangé pour camoufler un assassinat politique en crime passionnel. Mais était-ce bien un assassinat politique? Moi, c'est un traître. L'histoire n'a jamais été éclaircie. C'est une histoire qu'il faut éclaircir à présent. Et je n'ai pas le temps de lui faire passer un examen. Moi, j'ai le temps. Le parti ne peut plus le reprendre maintenant, tu le sais bien. Bien encadré, il ne parlera pas. Oui, c'est un intellectuel et un anarchiste. Mais c'est aussi un désespéré. Bien dirigé, il peut servir d'homme de main pour toutes les besognes. Il l'a prouvé. Hé, hey, Louis, tu veux voir les preuves? Vous êtes de retour dans la musique qui clape en tourne et c'était un extrait des mains sales. En 1953, il magnifie deux films de Georges Combray. La pocharde et Rasputin. En 1966, dans un rôle à contre-emploi, il campe un truculent général, Géranium, dans le film de Philippe de Broca, Le Roi de Cœur. Il fait l'une de ses dernières apparitions à l'écran dans l'épisode Meurtre par intérim, avec Raymond Souplex. Dans cet épisode où il incarne un entrepreneur en bâtiment surmené et menacé. La réalité rejoindra la fiction quelques semaines après le tournage. Pierre Brasseur meurt le 14 août 1972 en Italie, d'une crise cardiaque. À la suite d'une crise d'emphysème, pratiquement dans les bras de Claude Dauphin, son partenaire du film avec qui il était en train de tourner. La plus belle soirée de ma vie. Cinéma, filmographie, quelques films au cinéma. 1931, Circulé, de Jean Lemure. 1932, La chanson d'une nuit, d'Anatole Livac. 1932, Mon ami Victor, d'André Berthomier. Jouait Elgar, Flachon. 1933, L'oncle de Pékin, de Jacques Darmon, il joue Philippe. 1934, Le miroir aux alouettes, de Roger Lebon, il joue Jean Forestier. 1935, Un oiseau rare, de Richard Poitier, il joue Jean Berthier. Pardon, monsieur. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Excusez-moi, mais pourriez-vous m'expliquer ce que c'est qu'un slogan ? Vous savez pas lire ? C'est écrit. C'est une formule publicitaire. Alors, petit... Aide donc, mon vieux. Vous avez l'air de vous y connaître, vous, en publicité. Oui, moi, est-ce que je m'y connais en publicité ? Oh, puis ça va. Bon, je m'y connais. J'en fais de la publicité, alors petit buis. Comment ? C'est déjà toi ? Il y a à peine 10 minutes que tu es parti. Quoi ? Ah oui, mais 10 minutes pour revenir, ça fait 20 minutes en tout. Non, faut pas plus pour attirer les clients. Attends, la lampe petit buis, la lampe petit buis. Mais qu'est-ce que tu dis ? C'est rien, je cherche un slogan. Lampe petit buis. C'est à croire que tu es devenu fou depuis que tu es rentré du service. Qu'est-ce que c'est que ça, un slogan ? Oh, ma petite mère chérie, j'ai déjà expliqué ça 50 fois. Un slogan, c'est une formule de publicité. Comment quelque chose qui attire le client. Tiens, par exemple, engagez-vous dans la marine, vous verrez du pays. Eh ben, ça, c'est un slogan. La preuve, quand j'ai vu ça, moi, j'en ai tout de suite pris pour 5 ans. Alors, tu vois ? La publicité. Est-ce que ton pauvre père s'occupait de ces choses-là ? Hein ? Oui, on voit. Quelle époque ! Ah, quand je me rappelle, ouais. En 1910. Mais oui, je sais, il n'y a plus de saison, les mers ne savent plus siffler, c'est la faillite. Oui, je sais. Est-ce que tu ne ferais pas mieux de chercher une place, une vraie place, avec un fixe, un petit fixe ? Mais non, monsieur, préfère faire des concours, ouais. Faire des slogans. Tiens, on t'appelle, va là. Lampe petit buis. La lampe petit buis et... La lampe petit buis ? Travaille avec, fous-moi la paix. Laisse-moi travailler. Bonjour madame et tous les oiseaux. Bonjour monsieur. Voilà, vous désirez ? Je voudrais un oiseau, mais un gros oiseau. Vous voyez, avant je collectionnais les petits oiseaux, les tout petits. Les canaris. Les oiseaux-mouches. Mais ils étaient tellement petits qu'ils passaient à travers les barreaux de la cage. Alors il fallait les poursuivre dans la pièce et c'était fatigant. Alors maintenant je m'en tiens aux gros oiseaux. Ah, si par exemple si vous aviez une chouette, un hibou, un dindon, un paon ou un petit aigle. Voulez-vous voir les perroquets ? Les perroquets. Bah. Ils sont pas gros, vos perroquets. Est-ce qu'ils parlent ? Non, pas tout à fait. Enfin, presque. Comment presque ? C'est-à-dire, nous les vendons avec des disques. Oui, c'est une idée de mon fils. Chaque perroquet est vendu avec 3 disques. Oh, nous avons un très joli répertoire. Par exemple, le credo du paysan ou le petit caca. Oui, j'entends bien, c'est très ingénieux. Mais moi, je voudrais un perroquet 100% parlant. Français, naturellement. Alors je vais vous montrer Ravaillac. Eh ben, va pour Ravaillac. Tant qu'il ne me prendra pas pour Henri IV, ça pourra aller. Pourquoi Henri IV ? La lampe petit buis. Eh ben, c'est du joli. La lampe petit buis. C'est du joli ? Tu veux la boucler, toi ? Vous êtes de retour dans le sac et clapon tourne. C'était un extrait d'un oiseau rare de Richard Potier de 1935. 1936, Passé avant de René Pujol. 1937, Le Spoons de Marcel Pagnol. 1938, Café de Paris de Georges Lacombe. Il joue le rec. 1938, Le Père, Le Bonnard de Jean de Limur. 1943, Lumière d'été de Jean Grémillon. Il joue Roland Mélard. 1945, Les Enfants du Paradis de Marcel Carnet. 1946, Pétrus de Marc Allégret. 1948, La Nuit Blanche de Richard Potier, joue Pierre. 1951, Barbe Bleue, joue Amédée. 1952, La Bergère et le Ramoneur. 1954, La Tour de Nels d'Abel Gance. et 1958 Sans famille d'André Michel. J'en ai fini sur sa biographie et je vais passer à son film Les enfants du paradis. Réalisation Marcel Carnet. Scénario Jacques Prévert. Acteurs principaux Arletty, Jean-Louis Barrault, Maria Cazares, Pierre Brasseur, Marcel Héran et Pierre Renoir. Pays d'origine France, genre comédie dramatique. Durée, première époque 95 minutes, deuxième époque 87 minutes. Les enfants du paradis est un film français réalisé par Marcel Carnet, d'après un scénario de Jacques Prévert. Il est sorti en 1945. C'est une des rares superproductions françaises entreprises pendant la guerre et le film bénéficie notamment de la présence d'Arletty. Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle. Si belle. Vous êtes si belle, vous aussi. C'est drôle, on dirait que vous avez couru. Oui, après vous. Après moi? Et vous venez à ma rencontre? Mais justement, je vous ai vu tout à l'heure. Alors vous comprenez, le choc, l'émotion, le temps de me décider. Et vous étiez déjà loin. Alors? Alors? Alors comme j'ai horreur de suivre une femme, j'ai couru pour vous dépasser. Et précisément venir à votre rencontre. Et maintenant je ne vous quitte plus. Où allons-nous? C'est tout simple. Vous allez de votre côté, moi du mien. Mais c'est peut-être le même. Non. Oh, pourquoi? Parce que j'ai rendez-vous. Au rendez-vous? Destin tragique. Voilà seulement deux minutes que nous vivons ensemble et vous voulez déjà me quitter. Oh, et me quitter pour quoi? Pour qui? Pour un autre, naturellement. Et vous l'aimez, hein, cet autre? Oh, moi, j'aime tout le monde. Eh bien, voilà qui tombe à merveille. Je ne suis pas jaloux. Mais lui, l'autre, il l'est, hein, jaloux. Est-ce que vous en savez? Oh, ils le sont tous, sauf moi. Mais n'en parlons plus. Nous pensons plutôt à nous qui avons tant de choses à nous dire. Vraiment? Oui, vraiment. D'abord, je vous dirai mon nom. Je m'appelle Frédéric. Vous me direz le vôtre? On m'appelle Garance. Garance, oh, c'est joli. C'est le nom d'une fleur. D'une fleur rouge, comme vos lèvres. Alors? Alors, au revoir, Frédéric. Oh non, vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Me laisser tout seul sur le boulevard du crime. Dites-moi au moins quand je vous reverrai. Bientôt, peut-être. Sait-on jamais avec le hasard. Oh, pariez grand, vous savez. Pariez tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour. De retour dans le musée qui clape en tourne, et c'était le premier petit extrait du film. Première époque, Paris 1828, dans la foule présente sur le boulevard du crime. Le mime Baptiste de Bureau, par son témoignage muet, sauf garance d'une injuste accusation de vol. Celle-ci, femme libre et audacieuse, intimide Baptiste qui n'ose pas lui déclarer son amour. Baptiste est lui-même aimé discrètement de Nathalie, la fille du directeur du théâtre des Funambules, où il joue la pantomime. Séduite sur le boulevard par un jeune acteur prometteur, Frédéric Lemaître, Garance a une brève liaison avec lui, tout en demeurant secrètement éprise de Baptiste. Engagé au Funambule, Garance séduit un riche mondain, le comte de Montret, qui l'assure de sa protection en cas de besoin. Victime d'une de ses fréquentations, le truand Pierre-François Lassonnaire, Garance se trouve injustement accusé de complicité dans une tentative de vol. Commis par ce dernier, il s'est obligé de solliciter l'intervention du comte de Montret. Ben oui, vous êtes libre. Tant mieux, parce que moi j'adore ça, la liberté. Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle, si belle. Vous êtes si belle, vous aussi. Je ne crois qu'on m'appelle aussi pleure-misère qu'il lésineur dit rat. Parce que je suis avare, comme un rat. Toujours cruel, Pierre-François. Je ne suis pas cruel, je suis logique. Depuis longtemps, j'ai déclaré la guerre à la société. Tous les gens qui vivent ensemble s'aimaient. La terre brillerait comme un soleil. Baptiste. Vous allez le tuer, j'espère. Aussi fallait tuer tous les imbéciles. Évidemment. Et pourtant, ça simplifierait tellement les choses. Jaloux, moi. Et moi, je ne l'ai pas écouté. Je l'ai pas prise dans mes bras. Non, j'ai posé des conditions. M'aimez-vous comme je vous aime. Et je vais fermer la porte. Cette porte-là pour toujours entre moi et mon amour. Vous avez la tête trop chaude pour moi, Pierre-François. Et le cœur trop froid. Je crains les courants d'air. Garance. Laisse-la parler. Je veux tout savoir de vous deux. Mais savoir ce qui me reste. De retour dans une soquette clapon tourne et vous avez entendu le dernier petit extrait du film. Quelques années plus tard, Baptiste est marié à Nathalie, avec qui il a eu un petit garçon. Il rencontre un grand succès sur les boulevards où il fait de la pantomime, un art reconnu et populaire. Frédéric a acheté lui aussi à la célébrité et rêve de pouvoir interpréter Othello de Shakespeare. L'arsenaire est en chasse par le comte. Se sentant humilié, il jure de se venger. À quelque temps de là, au foyer du théâtre où Frédéric joue enfin Othello, il humilie le comte en découvrant publiquement Baptiste et Garance enlacés derrière un rideau. Mais cette vengeance ne lui suffit pas. Il assassine le lendemain matin le comte de Montrey. Enfin, après leur première et unique nuit d'amour, Garance, qui ne veut pas détruire le bonheur de Nathalie et de son petit garçon, s'en va au désespoir de Baptiste. Fiche technique, titre Les Enfants du Paradis. Réalisation Marcel Carnet. Scénario et dialogue Jacques Prévert. Pays d'origine, drapeau de la France. Tournage d'août 1943 à juin 1944. Au studio de la Victorine à Nice. Genre dramatique. Durée 182 minutes. Deuxième époque, L'Homme Blanc, durée 87 minutes. Date de sortie en France le 9 mars 1945. Les acteurs, Arletty Séclair, fille d'Irène ou Madame Irène, dit Garance, Jean-Louis Barros et Baptiste Debureau, Maria Cazares et Nathalie, fille du directeur de théâtre Les Funambules, Pierre Brasseur et Frédéric Lemaître, Marcel Errance et Pierre-François Larsonnaire, et Pierre Renoir, c'est Géry Chaud. Production. Compte tenu de la période historique, Les Enfants du Paradis est exceptionnel. C'est en effet l'une des rares superproductions réalisées pendant l'occupation allemande. De nombreuses interruptions liées au rationnement de la pellicule et aux coupures d'électricité ont considérablement rallongé le temps de tournage et rendu difficile la production du film. Scénario. L'histoire s'appuie sur une galerie de personnages, soit ayant réalisé, réellement existé. De Bureau, Frédéric Lemaître, Lassenaire. Soit inspiré par des personnages réels. Une riche aristocrate assistante, selon des chroniques de l'époque, à toutes les représentations de De Bureau, un ministre des Affaires étrangères de Louis-Philippe et le duc de Mornay, le demi-frère de Napoléon III, modèle possible du personnage du comte de Montrey, soit totalement imaginaire. Par ailleurs, le personnage de Géry Chaud est un personnage principal de la pantomime Chant d'habits, créé en 1842 par De Bureau. Tournage. Le film a été tourné pendant la Seconde Guerre mondiale, d'abord dans les studios de la Victorine à Nice, puis à Paris, dans les studios Francoeur et au théâtre Deschazet. Plusieurs participants qui étaient juifs ont apporté leur contribution au film dans la clandestinité, comme Alexandre Trauner et Joseph Kosma, mentionnés au générique sous couvert d'un pseudonyme. Le film marque la première collaboration de Carnet avec le peintre et créateur de costumes Maillot, qui poursuivra sa collaboration avec le réalisateur de nombreux films par la suite, Les Portes de la Nuit ou Les Tricheurs. Cet ami de Prévert commence son travail très en amont avec l'équipe pour s'imprégner au mieux des personnages et du scénario. Les tissus fournis par Jeanne Lanvin permettent également de travailler dans des conditions très favorables. Ce tournage fut brièvement interrompu par les événements de la Libération. Robert Le Vigan, qui, ironiquement, devait tenir le rôle de l'informateur Gerichaud, dut prendre la fuite du fait de sa collaboration avec l'occupation allemande. L'acteur, qui, selon Marcel Carnet, n'avait tourné qu'une seule scène, fut remplacé par Pierre Renoir. Analyse. Le film, ouvert et clos par les rideaux, et également une mise en abîme de la représentation déclinant le monde du spectacle. D'alors, traitant de la kermesse, de la pantomime, du mime et de la comédie. Le sommet est atteint avec la représentation dans le film de l'Auberge des Adrets, mélodrame authentique. J'en ai fini sur ce film, et je peux vous dire que la rediffusion, c'est le lundi matin à 9h. À dans 15 jours, bonne semaine à tous, au revoir.